Bonsoir chers amis auditeurs, encore une fois avec vous Daniel Fouché au micro de la UDO, la radio universitaire, qui émet sur les ondes 820 amplitude modulée de Los Mochis, Sinaloa. La semaine dernière, nous avons eu un programme pilote et je dois remercier avant même de commencer à tous les amis et surtout mes élèves qui ont bien voulu appeler la station pour nous faire part de leurs opinions. Et je vous dirai que l'objectif a été atteint. Notre but primaire est de promouvoir la culture et faciliter à tous ceux qui fréquentent nos écoles et universités les moyens d'apprendre cette belle et romantique langue qui est le français. Je pense continuer avant autant que ce me sera possible et je le ferai avec joie et passion. Ce soir, le format sera un peu différent de celui de la dernière fois. On a eu un duel entre deux chanteurs, Gilbert Bécaud et Aznavour. Vous vous souvenez? On va choisir plutôt dans notre répertoire quelques artistes bien connus dans le monde de la chanson française. Et nous les inviterons à prendre place avec nous dans notre train, le train de la musique. Et sans plus attendre, nous ferons signe à notre cher ami M. Alain Barrière qui voudra bien débuter le programme avec une chanson tiré de son répertoire et qui s'intitule « Ma vie ». On dit que ça revient. Ma vie, mais c'est long le chemin. Qu'il est long le chemin. Et pour continuer avec le train de la musique, pourquoi ne pas inviter notre fameuse Édith Piaf? Elle se passe d'introduction et ce serait vraiment une perte de temps si on se mettait à compter sa vie. Mon Dieu, il nous faudrait bien des jours pour lire sa biographie. Ce soir, on ne va pas le faire. On va seulement lui demander avec grande révérence qui lui est due de nous interpréter sa chanson « Mon Dieu ». Étant donné qu'elle se trouve dans le train avec nous, pourquoi ne pas en profiter? Je ne veux pas rater cette occasion très spéciale. Pour cela, je vais lui demander de nous chanter encore une fois sa mélodie très connue. Non, je ne regrette rien. «